seras-tu jamais lavé de tes doutes? Seras-tu jamais lavé de tes doutes? En sueur à la banque, l'eau de la haute trousse, tout nu dans les calanques, l'eau de la haute trousse. Seras-tu jamais lavé de tes doutes? Seras-tu jamais lavé de tes doutes? Faire l'autruche, ça tu connais. Le pain, tu connais. Les soirs de pluie, une heure de clavecin, le tour du quartier, quand tu te trouves perdu, perdu dans tes cheveux, perdu sur ta main, perdu l'amour grandiose, perdu petite chose, perdu au soleil, perdu dans une pièce, perdu l'amour grandiose, perdu petite chose. Seras-tu jamais lavé de tes doutes? Seras-tu jamais lavé de tes doutes? Perdu dans tes cheveux, perdu sur ta main, perdu amour grandiose, perdu.